Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Bonjour chers auditeurs, je me présente Lucille, je suis juriste au CIDFF, le Centre d'information aux droits des femmes et des familles. Bonjour à toutes et tous, je suis Prudence, également juriste au CIDFF. On est ravis de diffuser aujourd'hui notre première chronique. Pour l'occasion, on va vous présenter le CIDFF et les différents services qui composent l'association. Notre équipe est composée de deux juristes, trois conseillères en insertion professionnelle, deux médiatrices familiales, une conseillère conjugale et familiale, qui est également référente violence, deux médiateurs sociaux, une directrice et une agente d'accueil. Notre rôle en tant que juriste est de délivrer une information juridique gratuite et confidentielle dans les domaines du droit civil, du droit de la famille, mais aussi du droit pénal, du droit du travail, du droit international et du droit des étrangers. Tous ces champs du droit sont traités en lien avec une problématique commune qui est les violences intrafamiliales et conjugales. Nous intervenons également lors de journées de sensibilisation et de formation auprès de professionnels. Les publics sont variés, il peut s'agir de collégiens, lycéens, étudiants, professionnels du privé comme de la fonction publique. Ces formations sont généralement assurées par un binôme de professionnels différentes, afin de traiter la thématique sous l'angle juridique mais aussi sociologique et psychologique. Si vous souhaitez obtenir un entretien individuel avec un professionnel ou mettre en place une intervention collective auprès d'un groupe, n'hésitez pas à contacter notre secrétariat du CIDFF au 03 83 35 35 87. Le but donc de ces chroniques juridiques va être de vous présenter toutes les semaines un point du droit, une nouveauté juridique ou tout autre sujet pouvant être en lien avec notre profession. Il peut être pertinent de vous expliquer la démarche féministe de notre association. Nous partons du principe qui veut que chaque être humain vive libre de toute violence et de toute discrimination. Or, dans de nombreux pays aujourd'hui dans le monde, et également en France, de nombreuses femmes et filles sont victimes de discriminations fondées sur leur genre. Cette discrimination donne naissance à des violences domestiques et systémiques contre lesquelles il est important de lutter. Depuis l'essor du mouvement MeToo, on voit s'accroître les mouvements féministes et la libération de la parole. Aussi, offrir un accès aux droits, favoriser l'émancipation et l'autonomisation des femmes est essentiel. La Fédération nationale du CIDFF produit un travail important de recherche et transmet des plaidoyers au pouvoir législatif pour prôner la parole féministe devant nos institutions. Encore aujourd'hui, malgré une égalité de droit qui n'est plus remise en cause, de nombreuses inégalités de fait perdurent. Les plus connues sont les inégalités de salaire. En 2023, le salaire moyen net en équivalent temps plein des femmes du secteur privé était de 14% inférieur à celui des hommes. En moyenne, les femmes touchent 394 euros nets par mois de moins que les hommes dans le privé. Concernant le temps de travail, une femme salariée sur quatre est à temps partiel, contre moins d'un homme sur dix. La raison première de ces temps partiels reste la charge familiale. Cet écart femme-homme s'accroît avec l'âge. 39% des femmes de 60 ans sont à temps partiel contre 11% des hommes. Ces inégalités de fait sont le terreau favorable au développement des violences sexistes et sexuelles, jusque dans ses formes les plus graves. Depuis le 1er janvier 2025, 23 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. L'occasion pour nous de vous rappeler les numéros importants. En cas d'urgence, le 17 et 114 pour contacter les services de police et de gendarmerie. Le 15 pour le SAMU et le 3919 qui est un numéro national d'écoute pour les victimes de violences conjugales. Nous avons été ravis de vous présenter cette première chronique de présentation du CIDFF. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour vous parler des cours criminelles départementales. Nous vous souhaitons une belle journée, à bientôt. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.